Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hind à Brésonc. On commence par Gary Warvué, l'émission 442, Perando à Dow Hugen. C'est ça, Henri? Oui, c'est ça, oui. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va partir un peu en voyage, puisqu'on va parler du mot BH. Alors, ça m'est venu, l'idée m'est venue en réentendant un disque là où il y a une chanson de Jean Terrien là, donc qui a écrit beaucoup de chansons dans le Trégor là, et qui avait écrit il y a pas mal d'années de ça déjà une chanson sur le Yodet, quand Nowenor Pesqueterienne, alors Pesqueterienne, alors ou Pesqueterer Yaudet. Alors elle disait, hein, Veltu de Vartelauden, meus balle et der bit, broyo Thomas Gwellet, age broyo scornet, Gwelle meus norbeagi, broyo kera dispar, meder vro el vel me hinin, nesker waren douar. Et donc, en entendant ce mot béagi, je me suis dit, tiens, ça c'est un mot qu'on n'a pas dû traiter, dans Guerrio Orvue. Et donc, il y a plusieurs mots comme ça qui ont cette racine BH, hein, qui est une racine qu'on retrouve en français. Hein, ça vient du latin. Donc, en fait, c'est un mot breton qui est arrivé par un emprunt à l'ancien français et qui est lui-même issu du latin viaticum, qui désignait un voyage. Et d'ailleurs, le mot latin est resté en français sous le mot sous le terme de viatique. Le viatique, c'était de l'argent qu'on donnait à un religieux pour faire un voyage. D'accord. Donc, des frais de déplacement. Ça se faisait, oui. Et donc, ça a pris le sens de l'argent qu'on donne pour faire un voyage pour n'importe qui. Hein. Et puis, c'est aussi la communion qu'on donnait aux mourants. Ça se fait moins maintenant. Qui leur permettait aussi de faire le voyage, quoi, leur dernier voyage, voilà, un viatique. Et dans ce mot viaticum, hein, en français viatique, on trouve la racine via, qui veut dire une voie, qui est restée aussi d'ailleurs en français, hein, via, le mot latin est resté en français pour dire passer par quelque part, hein. Voilà, je vais à Paris via Rennes, par exemple, voilà. Alors, pour revenir à notre mot breton, BH, c'est un mot féminin. Donc, avec l'article, on aura RVH, donc le voyage. Hein, et c'est pour ça qu'on a BH-Vad, hein, bon voyage. Voilà. Alors, le pluriel est un pluriel régulier. BH ou les voyages. Hein. Les voyages forment la jeunesse, d'après ce qu'on dit. Et il y a aussi un dérivé qui est féminin aussi, qui est BH-at. Béajat, c'est le contenu du voyage, hein, comme quand on met le suffixe AD, hein, donc tout ce qu'on fait pendant un voyage, quoi, hein, la durée, les occupations qu'on a, alors Béajat, voilà. Alors, bien sûr, le verbe, hein, dont je parlais, hein, qu'on entend dans la chanson, là, Béajin, qui est voyager, participe passé, Béajat, hein, Béajat meus, hein, voilà. Bon, oui, Béajat meus, j'ai voyagé. Alors un autre terme qui a cette racine là, c'est béajour, hein, béajour, un voyageur. Et puis ça donne au pluriel béajourien. Et comme c'est un nom de personne dont le pluriel n'est pas en ou, ça donne erveajourien avec la mutation adoucissante. Voilà. Alors quelques autres mots. Kenveajour, c'est le compagnon de voyage. Alors souvent on emploie la formule monde de VAJ, aller en voyage. Alors un dernier mot dérivé de BH, BHOZUR, c'est un voyagiste, hein, ce qu'on appelle un tour opérateur. Hein, voilà. BHOZUR. Alors on pourrait aller jusqu'au pluriel parce que ce serait pareil, on aurait VHOZUR, y en a. Là, ça commence à faire un peu. Tu n'aimes pas ça. Non, là, ça fait un peu long quand même. Voilà. Alors ce mot BHOZUR, je l'ai trouvé dans un article de Martial Ménard, là, donc qui écrit des chroniques dans sur le vocabulaire dans Ouest France du dimanche là. Et donc j'ai trouvé ce mot voyagiste, béage aux ours. Hein. Bon, c'est pas plus long que tour opérateur. Voilà. En français, maintenant, on a tendance à dire tour opérateur, mais c'est un voyagiste. Voilà. Alors, il y a un autre verbe hein, qui a un sens un peu semblable, c'est baler, hein, qu'on utilise pas mal pour tout ce qui est déplacement. Hein, baler, walk bra baler, comme disaient les chanteurs là, Théo Michelin. Wak bra balé balé, wak bra balé balé, bra wara wa balé médoré globe MD. Ça c'est l'air qu'on appelait l'air de Théo Michel. Hein. Et donc se déplacer, se promener quoi. Donc celui-là on va le garder pour la semaine prochaine. Très bien. On passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek temps matin. Alors aujourd'hui, le dialogue, Henri, on part à Zantoluk. Oui. Est-ce qu'il y a une veillée ? Oui, voilà, il y a une veillée qui a eu lieu en fait pour la Sainte-Cécile, le 22 novembre, tous les ans. Donc ça te rappelle quelque chose cette date-là, non ? Le 23, c'est la Saint-Clément, c'est un peu mon anniversaire aussi. Ah ouais, voilà. Donc c'est le 22 novembre. Donc voilà, Charlie qui est allé voir Job Nédé, le gars qui l'instituteur en retraite qui s'occupe de plein de choses. Hein. Voilà. Très actif. Salut Job, mad je. Ja, ma tre, Charlie, à ganar. Mad yé, mais Job, la reding, clevet meus ou abet un déa, leur veia dek bazon tolek. Ja, or veia dek, pe or filage, ma peçoin. Be pla ve gretze, un ei warnug un deus vis du. Devez zante Sicilia, a plija dur ve der mad. Kaz du da zo bet. Ya war dro perugen du de wa. A zon erien. Ya zon erien a kan erien. Reyo ang a regoz. Bepsor bin vya oumem klevet. Trejen gol, violon, stelen, Winston Joel, binyu, bombard. A kan de boz, a kan a diskan. A givi de chui, o ban ar guir tom, pe o ban ar dourazen de bepini. Ya plija dur zo bet. Allez, on reprend phrase à phrase. Ce dialogue sur la veillée de Zantoluk, donc qui a lieu chaque année à la Sainte-Cécile. Salut Job, ma de jeu. Ouais, salut Job, ça va quoi, hein? Ma très, Chornik, à Gunnar. Très bien, Chornik, et vous hein? Ma dit Job. Et avec vous, quoi, ce serait la traduction. Oui, très bien aussi. Voilà. Mais la redine clé de muse et wabed un déal, or veillade avec ma Zantoluk? Mais oui, dites-moi, j'ai entendu qu'il y avait eu, hein, Cleven Meus Wabit, hein, qu'il y avait eu, NDL, l'autre jour, alors Veillade Bazantolog, donc une veillée à Zantolog. Il y a un veillade et un filage, ma carite. Voilà, oui, une veillée ou un filage, hein, il y a plusieurs façons de dire ça, hein, un filage, hein, ici on disait souvent filage, hein, puisque ça c'est plutôt dans le pays de Vannes, mais ici ça venait jusqu'ici, hein. Et non, c'est filage. Ah, non, ça c'est quand même plus dense, hein, c'était le fesnose un peu, quoi. Bepla Vegretze de Nelwar Nugen à Visdu, des Santé Cecilia. Oui, Bepla Vegretze de Nelwar Nugen à Visdu, des Santé Cecilia. Alors, chaque année, on fait ça. Donc, le 22 novembre, hein, le jour de la Sainte Cécile. À Plijadur Vedermat. À Plijadur Vedermat. Et il y a toujours du plaisir. Alors, la Sainte Cécile, hein, donc, qui est la fête des musiciens, avant que Jacques Lang n'invente la fête de la musique. Mais bon, c'était la fête de tous les musiciens et des fanfares, par exemple. Et il y a un très beau cantique qui avait été fait par Job Serrandour, qui a été curé de Pommery, mais c'était avant qu'il soit... Il était à Beaubriac à ce moment-là, et qui fait partie des cantiques de Beaubriac sur Sainte-Cécile, justement, où il y a des considérations sur la musique. C'est très intéressant. Et je pense que... Il ne doit pas y avoir beaucoup de cantiques à Sainte-Cécile par ailleurs, quoi. Voilà, c'est sur l'air des Tolés, nous, hein. La la la la la la la la la, hein, bien, quoi. Voilà. Calzadud Zobit. Oui, ça c'était une parenthèse. Alors, Calzadud Zobit, il y a eu beaucoup de monde. C'est important les parenthèses, Henri. Ouais. Quand on sait les fermer. Il y a un wardrobe père Huguenot. Oui, alors environ 80 personnes. Alors, si on dit par exemple Pevarugendin, hein, s'il n'y a pas ce petit A entre les deux, on laisse au singulier. Là, quand on dit Pevarugendut, ça veut dire 82 personnes, quoi, en fait. Sinon, bien sûr, on reste au singulier. Pevarugendin, hein. À Zonérienne. Voilà, et des musiciens. Ah, il y a Zonérienne à Canérienne. Oui, alors des sonneurs et des chanteurs. Régos à Garry-Yevanc. Voilà, des jeunes et des vieux. Des vieux et des jeunes, dans ce sens-là. Bepsort Binvieu, à Memklevet. Oui, alors, Bepsort Binvieu, toutes sortes d'instruments, à Memklevet, nous avons entendu. Alors, en breton plus littéraire, on dirait on ne sclevet, hein, mais nous, on dit mump. Hein. Ouais. Trejeune Gaulle, violon, stélène, western diol, bignou à bombard. Voilà, alors une liste d'instruments. Trejeune Gaulle, la clarinette, violon, le violon, stélène, la harpe, western diol, l'accordéon, bignou et bombard, hein, bien sûr. À cornabose, à cornadiscande. Voilà, et du chant à écouter, cornabose, hein, et des cornadiscande, du chant à danser. À Guévit et Chuy, Urbanor Guintom, Père Bernard Dourazen, oui. D'Abépini. Voilà. Et pour terminer, hein, donc un coup de vin chaud, hein, c'est l'époque, c'est bon, un peu, avec Guintom, ouais. Ou alors un coup de tisane, Dourazen, c'était une expression que j'ai entendue quand j'étais gamin. On disait Dourazen, ouais. En fait, c'est Pisdon, hein, mais c'est moins brutal que Pisdon, c'est oui. De l'eau de Don, quoi. Ouais. Dourazen, la tisane, quoi. C'était pas très flatteur, hein. Je pense que c'était pas très estimé. De pépins. De pépins, oui, à chacun. Ou de pépins, oui. Ouais. Il y a Plijadur Zobit. Plijadur Zobit, il y a eu du plaisir. Ouais. Bah oui. Comme toujours, tu sais bien. Mais oui. Bon, on termine ce temps matin et on passe à Petra Zonévervo, les nouvelles du pays avec Henri Naou. Thank you. troisième partie d'émission. Petra zone vervro eri. Bah, calze draou zone e bavro, boervé, je dis vous en. Krogom de diantan, vel custum. Gandela bourdouar, a gavu ou a armez. Eruyom bremen bandis karamzor, ba mijou du, vel velaret. Hag bon, yinor e an amzor on tam, med bede bra an amzor vid de zeri tout an trevad ou vel maiz hag betraves, a dis vo kav an bouet vid de lon eut pa de gwan. War da chen la bourdou ar kaz reuz o bed ou gant ferm mil vior, bon zo sens de vous gret ba département d'ur somme, bon mil zira o bern me mestra, hag bon kalz labourer a yendou ar zo eind abdeze, vel just. Hein. Benefin, Stéphane Arfol, miniz la bourdou ar brovran, deus lard, oa ke me pemkan, me zo a rank da ge, aiguir ar gwell vo pe sambo de vo kont gant an afarze. Bon, war da chen la bourdou ar oaz, eus ko la bourdou ar kernilien, neus lid di hantar kanvla an deel, hag az eus obet kalz dud a plijad ur zobet, d'un dud de l'on hat kavou d'un tud da zo be basko le nan pe kelene arion pe tud zo be de labourad ba basko la bourdou ar kernelien a de noz war fez noz a gwa obern tud dans mon temps moi da chen un endro vraiment evid or ben vet koech war nugen o a neveso diskoeza de bon ou doutiez bon ou dout tous pe la reine mat ba tre glan vus a per han sort de bon ou tous ge zo bet Quoi rien que voit Vigéca tiens ce babro, Andristol voit que Gualva de noms envie le bonnet de tous ceux même Mestra, Zobeka veut père han sort bonnet de tous ceux. À quel je dis Zobé des villes juste un monde de velozé. Warda chenner ce que l'homme sort vraiment père l'imam a besoin. On aime glaive Zobeka veut gagner neige voir nugen bro de ce bro Europa. Ag benébla bla d'auville pemse que vous on aime votre bras. War an da chen ze, hag gwellet vo, pe sa mod vo kont war an afer ze, met de se vo rat komz ur oaz. War da chen an ekonomiez, ur stal guyader zo staiet ba kintin, un eus divize de don bremañ de tos de vengan ba zan eganton, l'er oa stal a ven rok, on usina oa e kazine, mez o bet dilus ke da ou lasso, hag ze zo war da chen bel vu, a gaze vo gret bon tout de l'arbre ve gret gant ur stal guyader. Stal guyader ze zo bet kroue de milno han tregon, ze zo pel zo boe, ba landre varzek. Ze zo ba pen ar bet. Hag goud e en de diant an tout de stal ze labour evit ar wardro a higmor, hag d'or charcutiri ma peswan, a bremañ ve gret beb sort boet gante, boet gant pesket, boet gant kimor oaz, o bern traou. A c'hwer stal neus un embreger ez, onan zo ba Kervignac, ba Kervignac, ba Morbihan, onel ba Landre Verzek, evel juz, lam oa bekrouet ur stal, ba naoundet, ba enez grez, war dro ur pesket, ba tregourez, hag o stal ba kintkin, stal kintin oa bet prenet bla daouvil seiz gant buader, ze oa ar stal elkin ar rog. Hag bremañ bon rezo labourad bakintin o ret edon de labourad de ven gant. Pudur ont komz deus bro gwen gant, don rajon jtin de l'artar vo gwele hamelia, ba miz meurs, ba fine miz meurs, no ar nug eg un tre gant mezan, hag vo gret gwele hamelia ba gwen gant. Be ben pla ve gret, bon de diant an tout, oa be de lanset ze, ba bla no nante gatrugen, ze rapem ba tregon lasso, gant fanche moa, zo han avet mad, ba be de ramelia, ba vro am, hag zo be kled aliz oa er kabe, hag ze oa be gret, on tam gwell de diant an, hag bon benefin e de vous de ur festival, ma peswan, hag ar vo gwell kalz dud a kalz gamelia eo evel just hag bon zizo dinenus bon war da chen ar politikerez bon krog en traoù de vir vion tam war vid ar vota degou vik d'un departement chou e blan me vo diz hent vel tre en traoù pudur bon hanton eo zo be had stumet Vid Kreis Breisam, canton Yahou, Rostren, Melkarez, Guar et Gazan-Nicolas. Voilà que Bama me scanton. Hag ziv vo canton de Bras, Rostren. Hag vid pep canton vo dilene de Daugus Ulio, or po d'agor plar. Hag trouzo zo deja de hout piou vo war a reng, med de zevo amzor de gomz benahem. Wardachen politike reswaz, ba finemis du vo em vo den UDB, ba prefai, zezo ba brona oulet. Hag evel just ne ket re zigwe e bedi bab de mont de prefai vidor nem vot, pu dur gout o ram en UDB zo evit breiz gant pen departement. En UDB oa bekrou de hanter kan lasso, nan an obetut, hag deja de houlse vije komze deus breiz gant pen departement hag en UDB oa du ganze. Wardach en un vanni eus breiz en ahen, mam eus mod, pem senatour en eus gred on tam on tant même glev ma peswan vid hatka vout breiz gant pem departement an eus lard o jonge an de lard o raun ka zezo e bouez me mestra Michel Canevet zo senatour ba Penorbet Joël Guerriot zo senatour ba Bronaunet François Catel zo senatour eus ba Brorazon a Philippe Paul zo senatour UDI vid Penorbet hag Olivier Cadic zo senatour vid Galoued zo Mezevrom. Bon tom, vraiment, war dachen ur zevenadion. Bon. Ur prise, vero et bepla vid o lever skrive den brezandek, hag prise o et plamme gant fanch keren, vid lever yon eus begret, vid laken dut de gompren an tom ur prederour yez, hein, de l'arde, o lever zo keal doue o aler Auschwitz, hein, pe sa mod gwelet doue o aler trautien spontuse, hag prederourius pe philosophia. De ze moa bekomz deja, hein, en daou lever zo imbandet gant mouladur yo oriez, hag ouspenze fanch keran ne skrive de penadou baz galaouen eul lanv. Bon, fanch keran zo mest, hein, de gomz deus ur prederourius gant ur brezon de guiar a ezoar te gompren. Hendel, pudur an gomz deus prij ou vid leverio, ur priz verro de bepla ive ou vid gant kevridig eus skrivanerien breiz, vid ur lever war danve un istor breiz, istor breiz, hag ur priz ve haunet priz mokaer, pier mokaer, a zo berro de Blanme de Marcel Lemoyl, vidi lever war vreton ez mez vro, lever, tit lever e émigration bretonne. Bon, Marcel Lemoyl, zo ran vreman, ba rostren, pudur yon den ampar war glad war istoreur vro. Bon, ne veso zo bet ba gronvel, emvo de gevridig es PDG, hein, potren en dreugen gaul, hag blanme vo gred gwell bi an dreugen gaul, hein, peut dire Arlan e oa get gwell bras, hag ze vo da hoese gevizme. Hag raktre souel zo gant ur strolad PDG da skouir der an ober la bour vid ur skolioù, hag lakat de vale un diskouezad gwar zoner yon dreugen gaul. Zo be gwell d'un tam pe bler bavo. Yann Fanch Kemener, plus dur ont komz de son eres, un eus ave d'un arvez war bué or yon de kost, hein, hag zo mar ba gale ou pa da brezel pe varzeg. Ma trezen peus klev de un abad en oa begret ba tu de ze vro, gant Jean-Pierre Guader, gant Yann Fanch Kemener, hag neus displeg d'un tam pe sa menos oa gantan a peten oa jonge d'ober, hag zo kleve d'un tamm de spes vo ba narvest. Hag un narvest vo diske d'un tamm de bon tram de deba kemper deja, un tri de ze viz du, a oa l'air hei l'air hel, hein, de blerin, de gwenet, de roz, on a l'air hel oas, joan jal ran, ma trezen vo moyen de gweld un narvest ba kreiz vro an mervech peneket. Pluron de Basévena de Roise, Levers au Bescrive de Grandaudénan par Loire Glad Guarec, Pierre Ledour, à Pierre Jézéquel, un Daubé en bénéfine, à Bonne Levers au Moyen de Garde Prestige, un temps me pébler, vide Eizero. Ag bon vous plijad yor de lenze vi comprenne un temps pis sa mouronnement glad ba gwarek. Pu dur on de koms de gwarek jizman ne veso wa igora dur poulna yal gwarek ag or poulna yal zez obezav gant leur CCKB a kalze dut sobit pem kan de dut me san loa ban igora dur ag no mesk wa Fabien Gilot zon din empar de nayal hein, hez neus bet ar maud a liz hein. Evin Nayal, hein, a médal en Hour, hein, bah, Londres, bon. Sais-tu. Ne vaisso, oua, ganer, ne ke ganer KB, mais ganer BG, oua, radioton, velvegret, bepla, bon viraste la d'un tamer, han vide RBG, hein, zone tamboire de RKB, et vel juste avec l'Eve d'Alice, abaden ou de RBG, oua, RKB. Bon, hoas, on dra el, hoas, ma peu soin, braise, gwell braise gand, hein, vo ba pondi, d'ur seiz ar vis sierzu, braise gand, zo gred, tregond la sauve e grezé, hein, vid kad, on em vo de ma peu soin, tre la zo kand, hag gand, brezon de gand. Aze vo gred, vel ar an dar, ba, itron varia le venez, ma pondi. Hendel, hoas, vikomz de zon eres, au han ur Louis-Jacques Sunyer a ran eus gred o strol a Triblasso zo han you haden a gazien un gred o bladen zo bet en rol ba kavon zo kalz a draou bas a plus juz meus kavon an hag da skwer neus plus jetin ur gant nou un trigemener un trigemener de Spontivi hag un daou kamarad fidel hag kalz a draou el or lev o bladen bratre vid or o prof benek vid ne deleg purement ne deleg tostat mais de se vo rat komz en orvech benek ras c'est tu greme montant tro a pesonné ver vro à la randar qui n'avo tout sinon han qui nous irait